Je me souviens de ces trois audacieux conducteurs de train de Lyon-Mouche qui un jour ont voulu faire le concours annuel des Olivettes. Ils n'iront pas loin, on va les sortir à la première partie. Laisse, jeune, si on tombe contre eux, c'est une partie d'assurée. On va se les bouffer, ces Parisiens. Entre parenthèses, au-dessus de Valence, il n'y a que les Parisiens qui parlent pointu. Les locaux se frottaient déjà les mains devant l'aubaine. Les colibés et les pronostics allaient bon train, et la matinée s'annonçait rude pour les étrangers. Seulement voilà qu'à 11 heures du matin, nos Parisiens de la Mouche avaient déjà gagné deux parties contre des formations réputées difficiles aux grandes dames, des badauds perplexes. Ce n'est pas possible. Ils ont une chance de cocu, ces types. D'où ils sortent? Même eux, madame, ils n'en reviennent pas. On ne va pas les laisser faire. Tout leur réussit, le soleil, les gravillons, le vent, et même le public qui commence à les applaudir. C'est le bouquet. On n'avait jamais vu ça à Nîmes. Les équipes qui restent en course sont embarrassées. L'heure est grave. Les badauds refont leur pari et retirent en douce leur mise des triplettes locales. Dites, Tonin, qu'est-ce qu'on fait? Pour qui nous prennent ces rigolos? Tu as vu le pointeur? On dirait qu'il les escampe, ces boules. Oh, le nain! Ils sont pas francs, ces étrangers. Il faudrait pas qu'ils aient des boules fadées, c'est-à-dire trafiquées.